Tu veux me refaire la zeu? Laisse béton. Scabra 3 à 2, je tiens le guidon. Crapule en 3 litres 2. Mon sac vide, il était temps. Je pense à ton fils 2. Là je suis dedans, le bon je me guide très souvent. Ça va mieux, je revois mes potes en coup de vent. Ils me font la bise les gens, je sais pas pourquoi. T'es là pour moi, je suis là pour toi. Que tu sois un pauvre ou un riche, ou un mec qui a plus de famille. Je repose dans tout le monde, je suis plus petit à la plus grande mamie. J'aime pas perdre, moi je laisse gagner. Parle-moi mal sur Facebook, je te bannis. On se cache au sait que tu t'es pas né. On représente la pointage jusqu'au panier. Trop de paroles de racistes, trop de potos aux assises. Je t'aimais bien, tu m'as oublié du jour au lendemain, comme ça classique. J'ai sué pour ma paire d'Azix, j'ai sué pour avoir une féfée. Tu pédais, tu comptes souvent le bien, mais tu comptes jamais le mal que t'as fait. Sors de jalier, là c'est des faits, faut que le maire et même le préfet. Mais dis-moi qui veut nous baiser, baiser. Assez de ces bâtards qui se sentent aisés. Mal aimé par les jaloux, je doute de la réussite. Faut pas se plaindre, c'est normal frérot, que le mal ressuscite. Faut rester lucide, ah ouais j'hallucine. Il fait style, c'est le sang, il veut baiser sa... Moi je suis comme une feuille, elle tombe un jour, mais elle repousse car le soleil c'est toujours pour les gens ghetto. On sortit dans le four, c'est gaffe si tu voles une caisse, ça va attirer les schmitts. Hop, un client claquette, chacun son tour. Gros c'est à celui qui a le plus bon shit. Tu frappes des gens qui font pitié pour être l'exemple à la cité. Tout le monde sait si c'est pour cheat. Parce que tu es un gros fatigué. Pour les folles, c'est la mort ou titi. Tu parles plus quand je suis un didi. Quand je suis pas bien du moins où t'étais. Faut défendre l'équipe comme un titi. Tu peux passer au titre que j'y suis. Je fais du rap à du jujitsu. Je représente ma team et qui me suit. Je vous dis que je vous aime, je fais des bisous. Et je gère l'équipe comme Zizou. Les jaloux diront que je paye mes vues. Parce que 2016 je les ai rendus fous. Sur PP à force, mes albums je les compte plus. En me ravissant, ils me font de la pub. D'ailleurs je fuck tous ces articles. De toute façon bientôt ils me verront plus. J'irai loin, plus loin qu'Antarctique. Je mets pas de jean, je suis sur net pour cabrer. Tu me verras en doré platine aux victoires de la musique. Je suis resté humble pour essayer du cirque. Si demain je fais un R1, une GS, je vais au cycle. Couille, prépare-toi à bien viser s'il y a un bruit. On sait jamais quand demain ça part en couille. Quand je suis au mic, ça me détend, je dis ce que je pense. Y'a trop de fake qui m'insultent sur mon son danse. Souffler le trait mais ça se voit pas, trop ça s'entend. Et sur l'autoroute, je pense à tout en descendant. Toujours l'aspect de moi au passé. 2017 on arrive, ça va péter sur péter.